Salut à toutes et tous, la tribu. Vous êtes les bienvenus dans cette 46e Vampire Freaks, l'émission radio, et c'est Spike qui débarque dans votre salon. Chaque semaine, à la même heure, sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Je remercie les 243 personnes qui ont déjà liké la page Facebook de l'émission, et bienvenue aussi aux nouveaux qui nous suivent pour la première fois. C'est l'heure du rock'n'roll. On commencera cette émission avec Amaterasu de Heads. C'est sur le dernier album Anka, sorti en 2016. On peut entendre aussi Nefas, Vae Victis et Nixidei. Promis, si vous aimez, je diffuserai d'autres morceaux de Heads, il n'y a qu'à me le dire. Je diffuserai ensuite un vieux morceau des Golden Earring, Quiet Eyes. C'est sur l'album Diol, sorti en mai 1986. On retrouve aussi They Dance, Have Her Heart et Jump and Run. Ce morceau, je le dédicace à Jean-Louis qui nous écoute au Puy-en-Velay sur sa radio favorite. Merci à toi, belle découverte parce que je ne connaissais pas du tout. On s'écoutera ensuite Truth Has Come de Jacob Miller. C'est sur Tenement Yard, sorti en 1979. On peut entendre aussi Dread a Dread, Tenement Yard et Roman Soldier of Babylon, entre autres. J'ai envie d'un vieux Def Leppard. Ce sera Slang, c'est aussi le titre de cet album, sorti le 14 mai 1996. On peut entendre aussi Turn to Dust, Working It Out et Deliver Me notamment. Et on finira ce bloc en live avec Dream Theater et Just Let Me Breathe. C'est sur Failing Into Infinity, leur quatrième album, sorti en 1997. On retrouve aussi New Millennium, Peruvian Sky et Burning My Soul, notamment. Opérer

real thoughts. Everything can stand a being taught. I'll say things you won't find me. Just stand there. Vous êtes toujours dans cette 46e Vampire Fix et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire un bon bloc de départ là. Amaterasu de Heads, Quiet Eyes de Golden Earrings, True Has Come Again de Jacob Miller, Slang de Def Leppard et on a fini avec un très bon live, Just Let Me Breath des Dream Theater. On continuera cette émission en live avec les Cure et Strange Day, c'est sur Pornographie sorti en 1982. On peut entendre aussi 100 Years, Siamese Twins et Pornographie entre autres. Je diffuserai ensuite Lola Root Girl de J'aurais voulu, c'est sur l'album Sur nos routes sorti en 2014. On retrouve aussi Tattoo, Comme un loup solitaire et Putain de vie notamment. Si on s'écoutait un Alborosi, ok ? D'accord, ce sera Good Woman, c'est de l'excellent Escape from Babylon sorti en 2009. On peut entendre aussi No Cocaine, Global War et Real Story, entre autres. Tiens, on restera dans le reggae avec Hooligans de The Beatdown, sorti en 2010. C'est aussi le titre de l'album, sorti en 2010 donc. On retrouve aussi It's Alright, Mad Dog, Tell Me Why, notamment un excellent album. Et on finira ce bloc avec du son culte et en live. Ce sera Godzilla de Blue Oyster Cult. C'est sur l'album Spectre, sorti en 1977. On peut entendre aussi Godzilla, Death Valley, Night, Are You Ready to Rock et I Love the Night, j'adore cet album. Et c'est pour Bernard qui nous écoute à Saint-Malo. Thank you. une rude girl, elle n'a peur de rien. Elle traîne tard le soir, au concert ou dans les bars. Elle n'a confiance en personne, faut pas la chercher. C'est une punk rockeuse, moitié haineuse, moitié teigneuse. Elle vit sans lendemain. Se moque bien de son destin. Elle vit sans lendemain. Une petite fille de trois fois rien. Lola, Lola ne dit que la nuit, au milieu des rats et des souris. Elle ne se sent libre qu'entourée de ses amis. Avec ses dogs coquets, elle martèle le pavé, toujours le doigt en l'air, à la face de cette société. Elle vit sans lendemain. Se moque bien de son destin. Elle vit sans lendemain. Une petite vie de trois fois rien. Lola, Lola est encore rentrée tard. Elle est restée au comptoir, vivre à fond avant de vieillir, sans penser à l'avenir. Elle vit dans son paradis avec son instinct de survie. Elle ne pourra jamais sombrer, les étoiles sont sa destinée. Elle vit sans lendemain. Respect yourself, be proud of yourself, never sell yourself. You black and beautiful with your ivory smile. Don't give away yourself until the land is fertile. Before a boy get it, I've walk 1,000 miles. I put the application right on top of the pile. You precious and pretty, you no need to run wild. You always in control, cause you're no Satan child. Enough of them love, always let go the cat. Them kunku well use more than a restaurant pot. Enough of them uglier than a little rat pot. But still I trick the dogs them with them little dog trap. Good girl, don't be like them. Your kunku well tight, not loose like them. No announcement from the observer, not classified like them. Your kunku is not a murderer, not sick like them. Man get so bright and pick up monster habits. Good man, beware a dirty seed, cause dirty man seed make dirty girl breed. Good man, just keep your heart clean, just go and get purified in a job washing machine. Girl, come out and shine, don't stand up behind the scene. You shape like a guitar or a prima ballerina. Oh. I see right through your heart. Good man, your life will be not short. If you come from uptown or you come from the ghetto, if a caviar you a eat, a cheddar and grasso, you still have to be nice, you still have to shine, you still have to spice up my mind. Be a good woman. Vous êtes toujours dans cette 46e Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire un bon bloc là. A Strange Day en live des Cure, Lola Good Girl de J'aurais Voulu, Good Woman d'Alborosi, Hooligans des Beatdown et on a fini avec du très bon live Godzilla de Blue Oyster Cult. On poursuivra cette émission avec Les Hommes de la Paix en live de Danakil, c'est sur l'album Microclimat sorti en 2006. On peut entendre aussi Dans nos villes, Résistance et Light Strain notamment. Tiens, on continuera avec le ska des Scapés, Gasta Claus, c'est sur Lagrima et Gossos, leur 7e album sorti en 2008. On retrouve aussi Crimen Solitationis, La Colmera, Decadencia, entre autres. Un excellent album. Tiens, une petite nouveauté, Sunday d'Iggy Pop. C'est sur Post Pop Depression, sorti le 15 mars 2016. C'est le 17e album de Liguan. On retrouve aussi American Valhalla, In The Lobby et Paraguay, entre autres. Moi, je trouve qu'il tient bien le choc, malgré son mode de vie, Iggy. On t'aime. Tiens, un petit métal symphonique, ça vous tente? Ok, ce sera Epica et Burn Into Cinder. C'est sur Design Your Universe, sorti le 16 octobre 2009. On retrouve aussi Resign to Surrender, Unleashed et Semblance of Liberty, entre autres. Et on finira ce bloc en live avec Parabellum et La Bombe et moi. C'est sur Gratuit, deux morceaux en moins, sorti en 1986. On peut entendre aussi Stalag 27, Berceau Neo Cavo et Kozak Surboom notamment. Ce message, on le crie depuis longtemps, on l'a avec nous dans nos valises depuis un moment, mes gosses. Ce morceau-là vient rendre hommage à tous ceux d'entre vous, tous ceux d'entre nous qui luttent pour la paix massive. Hey, peace and love au quotidien. Ha, Danakil Grosso Massive, est-ce que vous êtes bien là? Est-ce que vous êtes irate? J'aimerais savoir Paris, est-ce que vous êtes bien là? Y aura-t-il toujours un fou pour assassiner la paix? À chaque fois qu'un homme se lève pour elle, il est tué. Un coup de revolver et le tour est joué. Un coup de revolver et tout est à recommencer. Tout est à recommencer. Y aura-t-il toujours un fou pour assassiner la paix? À chaque fois qu'un homme se lève pour elle, il est tué. Un coup de revolver et le tour est joué. Un coup de revolver et tout est à recommencer. Tout est à recommencer. Je pense à celui-ci qui n'a agi que pour le bien de son pays, au service de la paix mais au risque de sa vie. Volonté de sauver le destin de sa patrie, de sourire à l'avenir après les pleurs et les cris. Et même après la mort, son ombre nous illumine. Au-delà des frontières, je vous parle d'Yitzhak sa Rabine, l'homme qui a voulu s'entendre avec la Palestine. Mais comment s'entendre quand des frères s'éliminent? Hey, hey. Y aura-t-il toujours un fou pour assassiner la paix? À chaque fois qu'un homme se lève pour elle, il est tué. Un coup de revolver et le tour est joué. Un coup de revolver et tout est à recommencer. Tout est à recommencer. Y aura-t-il toujours un fou pour assassiner la paix? À chaque fois qu'un homme se lève pour elle, il est tué. Un coup de revolver et le tour échoué. Un coup de revolver et tout est à recommencer. Tout est à recommencer. L'arme la plus puissante, capable de renverser l'armée la plus envahissante. Agresse-moi, je ne relèverai pas, mais je lèverai les bras quand je verrai toutes tes armes tomber devant moi. Si tu frappes, tu es faible, telle est sa théorie. Je n'oublierai jamais Mohandas Gandhi, victorieux de la plus grande des batailles morales. Victime du fanatisme, il tomba sous les balles. Aura-t-il toujours un fou pour assassiner la paix? À chaque fois qu'un homme se lève pour elle, il est tué. Un coup de revolver et le tour est joué. Un coup de revolver et tout est à recommencer. Tout est à recommencer. Y aura-t-il toujours un fou pour assassiner la paix? À chaque fois qu'un homme se lève pour elle, il est tué. Un coup de revolver et le tour est joué. Un coup de revolver et le Mahatma est tué. Tout est à recommencer. Par ici, amigos. Thank you. toca. Vous êtes toujours dans cette 46e Vampire Freaks et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de se faire un très très bon bloc là. Les Hommes de la Paix en live de Danakil, Gasta Close de s'escaper à ça rentre dans le crâne ça. Sunday d'Iggy Pop, Burnt to Cinder d'Epica et on a fini en bon punk musette live. La bombe et moi de Parabellum. On poursuivra cette émission avec une nouveauté. Dernier titre d'Elmer Footbeat, après des années d'absence. Son titre, c'est « Quand j'ai vu ses fesses », c'est sur « À poil les filles », sorti il y a quelques semaines. On retrouve aussi « À poil les filles », « Martine à la plage » et « J'aurai ta peau ». Tiens, on enchaînera avec Radio Belgrade. Je suis très, très content de pouvoir enfin vous les diffuser, car je les adore. Je passerai celui qui se lève, c'est sur Heroes, sorti en 2010, leur deuxième album. On peut entendre Messaline, Comme une fleur et L'échappée. Ils viennent de sortir un album là, il s'appelle Supernova, il est en écoute sur toutes les plateformes légales. J'espère vous l'avoir pour diffuser d'autres morceaux, il est extraordinaire et je le dédicace à Laurent qui nous écoute à Port-Marly. J'ai reçu un très très bon EP, celui de Psychoïde qui s'appelle Trash Tête, cet EP, et le morceau que je vais diffuser ce soir c'est Kick Your Ass. C'est du très bon trash, on peut entendre aussi Platonos Death, Poltergeist et Anarchy. Allez faire un tour sur la page Facebook de Psychoïde Promis, je diffuserai d'autres morceaux. Tiens, un petit broussaille, que dis-je, un grand broussaille. Violas in the Streets, c'est sur l'énorme In the Streets sorti en 2015. On retrouve aussi Positive, Change My World et Mr. Mandela, un top, top album. Et on finira ce bloc en live avec Lita Ford, ça faisait longtemps. On s'écoutera Rock Candy, c'est sur le Greatest Hits Live sorti en 2000. On peut entendre aussi Nobody's Child, Black Widow et Bad Love, entre autres. On me l'avait dit, on m'avait prévenu. Un jour les filles ne t'énerveront plus. J'en ai bien trop fait, elles en ont trop pris. Je n'avais plus de goût pour la vie. Mais quand j'ai vu ses fesses, je suis devenu croyant. Tous mes vieux réflexes, tout marche comme avant. Mon amour, je suis un croyant. Quand je suis dedans, quand elle braille, je n'en pouvais plus, j'en avais plein les bottes. Jamais plus, plus jamais la fête dans ma culotte. J'en ai bien trop fait, j'en avais trop dit. Où je n'avais plus aucune envie. Mais quand j'ai vu ses fesses, je suis devenu croyant. Tous mes vieux réflexes, tout marche comme avant. Mon amour, je suis un croyant. Quand je suis dedans, quand elle braille. Je n'avais plus de goût pour la vie. Mais quand j'ai vu ses fesses, je suis devenu croyant. Tous mes vieux réflexes, tout marche comme avant. Mon amour, je suis un croyant. Quand je suis dedans, quand elle braille. Quand j'ai vu ses fesses, quand j'ai vu ses fesses, quand j'ai vu ses fesses, quand j'ai vu ses fesses. We'll be right back.

Vous êtes toujours dans cette 46e Vapeur Fix et c'est Spike qui vous accompagne. On vient d'écouter des nouveautés là. Quand j'ai vu TFS de Elmer Footbeat, Celui qui se lève de Radio Belgrade, We Kick Your Ass de Psychoid, Violence in the Streets de Broussailles et on a fini en live avec Ron Candy de Lita Ford. On poursuivra cette émission en live avec Jane Addiction et Up the Beach. C'est sur Nothing Shocking, sorti le 23 octobre 1988. On peut entendre aussi Ocean Size, Add a Dad, Idiot Rule, notamment. Je pense ensuite à un bon vieux Massilia Sound System. Ce sera Quand le son des bons. Quand le son des bons. C'est sur Commando Fada, sorti en mai 1995. On retrouve aussi des métallos, Manfouti et le grand classique Degen y Personne. Tiens, un peu de douceur, Alex Clark, War Rage Zone, c'est sur Three Hearts, sorti en 2014. On peut entendre aussi Never Let You Go, Just a Man et So Deep. Il est sorti dans plein d'endroits dans le monde, sauf en France, mais il est en écoute sur toutes les plateformes légales. J'ai envie de me lâcher un peu. Je passerai un rythme de chien du peuple de l'herbe, c'est sur PH Test 2, sorti en 2002. On peut entendre aussi Délice, Escape Dub, Les Rues de Saint-Paul et Lion's Youth, entre autres. On a commencé ce bloc en live, alors on finira en live avec Judge Dredd et Dredd Rock. C'est sur Live and Left, sorti en 1988. On retrouve aussi Bring Back the Skins, Oh She's a Big Girl Now et Dr. Kitsch, notamment. That was the world's first for us to play the Irresistible Force. Pretty nice, huh? Did you like it? I like it. I think it can stick around. Thank you. quand le son est bon, quand le son est bon, quand le son est bon. Que nous espérons les fortes femmes à la place, faire danser la touinesse des vieillasses, et marre, commande la basse, car sont-ils des bourdilles, des estrasses et des pévoirs, et des marsilles, tes rêves, elles nous sortent. Quand le son est bon, quand le son est bon, quand le son est bon, elle te fait bondir au plafond. Écoute ça quand le son est bon, quand le son est bon, quand le son est bon, elle terrorise les pébons. Vous voulez tous des champions qui vous écrasent pour de bon. On est tous d'accord, mais à quatre conditions. Vous voulez tous des champions qui vous écrasent pour de bon. On est tous d'accord, mais à quatre conditions. Premièrement, on veut vous voir bouler gants. Deuxièmement, on veut vous voir souriant. Troisièmement, on veut vous voir câlinant. Quatrièmement, on veut vous voir tolérant. Mais quand le son est bon, quand le son est bon, quand le son est bon, il te fait bondir au plafond. Écoute ça quand le son est bon, quand le son est bon, quand le son est bon, il terrorise les pépons. Car la convivialité est une grande qualité, une attitude que j'aimerais bien voir adopter par tous ceux qui dans la danse aujourd'hui se sont rassemblés. Mais ça ne suffit pas d'avoir de la bonne volonté pour être cool. Il faut être motivé, car dans ce monde tout est fait pour nous énerver. Pour être dur, pas besoin de se forcer, car depuis que tu es né, l'exemple t'est proposé. Mais quand le son est bon, quand le son est bon, quand le son est bon, il te fait bondir au plafond. Écoute ça, quand le son est bon, quand le son est bon, quand le son est bon, il terrorise les pépons. Ton identité, tu dois la faire respecter, mais c'est par ton action qu'elle doit se révéler. Le terroir, c'est ce qu'il y a sous tes pieds. Le trottoir sur lequel tu aimes marcher, le terroir, c'est aussi des sonorités. Ton patois, la langue que tu viens me parler. Ma façon pour te l'expliquer, c'est le reggae, la version que mon sélecta va renvoyer dans la session. Mais quand le son est bon, quand le son est bon, quand le son est bon, il te fait bondir au plafond. Écoute ça, quand le son est bon, quand le son est bon, quand le son est bon, il terrorise les bébés. Mais aujourd'hui les gens veulent retrouver leur fierté, fier d'être d'où ils sont et ne plus être complexés. Citoyens à part entière, maître de leur futur, ne plus jamais voir la guerre freiner avant le mur. Mais que dire, que faire pour être fier de son terroir? Organiser des sans système tous les samedis soirs. Mais que dire, que faire pour être fier de son terroir? Organiser partout des débats contradictoires. Écrivaine de vos placards. Mais que dire, que faire pour être fier de son terroir? Inscrivez vos plasticiens au sommaire de l'histoire de l'art. Bien dérisoires sont ceux qui propagent l'idée que les cultures locales sont mineures et sans intérêt. Et quand le son est bon, quand le son est bon, quand le son est bon, il te fait bondir au plafond. Et je dis quand le son est bon, quand le son est bon, quand le son est bon, il terrorise les bébons. Troubadour, Charlie, connu sous le nom de Papéji. Je reviens sur la version car je n'ai pas fini. À tous les pébrons, je reviens ici m'adresser à ceux qui pensaient que notre combat était dépassé. À cela je voudrais simplement faire remarquer qu'ils sont restés sans progresser pendant que nous on avançait culturellement et idéologiquement. Je dirais que notre bénéfice est important. L'inimagino, Fabulous et Félix Castan, Bernard Lubarov, leur promotion et la tourme au fond avant. Hey, quand le son est bon, quand le son est bon, quand le son est bon, il te fait bondir au plafond. Écoute ça, quand le son est bon, quand le son est bon, quand le son est bon, il terrorise les démons. Quand le son est bon, quand le son est bon, quand le son est bon, il te fait bondir au plafond. يفكي الى قهوه الى سكور الى تقشيشت تقشيش سوا سوا الى يوين تقشيشت الها اجفح ملويز اسمي سهيزا ايوا نغاس اسمي ما اني اسمي ويزا اصدقدقي ارماسيديا نغاس اسمي ما اني اسمي ويزا اصدقدقي ارماسيديا تاتو اني اروح اغلق قفير ويا امن ساخم نغتقشي سوا سوا موسيقى

première fois dans l'histoire de l'humanité, tous les peuples, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, tous les peuples de la Terre ne forment qu'un. De la Terre ne forme qu'un. Yeah. more, you can have some more. Here he comes, ladies and gentlemen. Star of Top of the Pop, the man himself. That's straight, ladies and gentlemen. What a guy. The holidays are over. The rock goes home with me. Although it's not as big as it was, it's big enough for me. If you want to know where my girlfriend is, take a look around the place. She's the one in the corner with a smile upon her face, cause she knows that it's a big one. She's never seen one as big as that before. Oh, ho, ho. Oh, what a big one. It must be 14 inches long or more. God almighty. Well, I'll stop doing that. Ladies and gentlemen, thank you very much. What we're going to do, we will do one more. On vient de se faire un bon bloc Up to the Beach de Jane Addiction, Quand le son des bandes, Quand le son des bandes de Massilia Sound System, War Red Zones de Alex Clark, Un rythme de chien du peuple de l'herbe et Dread Rock en live de Judge Dredd. Eh ouais, il était fou ce Judge Dredd et d'ailleurs il a laissé sa vie sur la scène. Voilà, une pêche d'enfer. Cette, votre 46e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore d'avoir passé ce moment avec, moi. Laissez-moi vos messages. Et dédicace sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. Merci encore à tous ceux qui partagent les playlists de l'émission chaque semaine. Merci, merci, et soyez de plus en plus nombreux. Et on finira cette émission en live avec le grand classique Numb de Linkin Park. C'est sur l'album Meteora, leur deuxième album sorti le 25 mars 2003. On peut entendre aussi Don't Stay, Hit the Floor et Easier to Run. À la semaine prochaine, même endroit, sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Salut à toutes et tous, la tribu!